La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, si Platon nous rendait visite, que se passerait-il ? Platon est né en 428 avant notre ère à Athènes, dans une grande famille de l'aristocratie. Le jeune homme reçoit la meilleure éducation possible. Il lit Homère, joue de la cithare, chasse avec ses chiens, pratique la lutte à un haut niveau. Quand il rencontre Socrate pour la première fois, il a entre 18 et 20 ans. C'est un choc, un coup de foudre qui change tout, bien que Socrate n'ait au premier regard pas grand-chose pour plaire. Il a la soixantaine, il est mal habillé, son visage est disgracieux avec de grosses lèvres, un nez épaté, des yeux globuleux, et le philosophe qu'il est vit sans le sou. Platon fréquente Socrate pendant une dizaine d'années. Leur relation s'interrompt lorsque le vieil homme est jugé par l'assemblée du peuple et condamné à mort pour impiété envers les dieux et corruption de la jeunesse. Durant les 50 années qui lui restent à vivre, Platon n'aura que deux objectifs. D'une part, faire vivre Socrate et sa voix, perpétuer le trouble que celle-ci engendre. D'autre part, imaginer une cité où Socrate ne puisse plus être condamné, autrement dit concevoir un modèle de société où le meurtre du juste devienne impossible. De très nombreux livres ont été écrits sur Platon, mais il en manquait un qui dirait ce que Platon penserait s'il revenait parmi nous, s'il entrait dans un McDo, s'il voyait décoller la fusée qui a propulsé Thomas Pesquet dans l'espace, s'il rencontrait Bob Dylan, s'il nous voyait contemplant fiévreusement nos téléphones, etc. Ce livre existe désormais. Il s'intitule « Et si Platon revenait ?» et il est signé Roger Paul Droit, qui est, ça tombe bien, à moins que ça ait été fait pour, l'invité de la conversation scientifique. Bonjour Roger Paul Droit. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes philosophe, écrivain, et vous publiez donc « Et si Platon revenait ?» C'est une double expérience de pensée à propos de Platon et à propos de ce voyage qu'il pourrait faire parmi nous. Et dans la présentation que je viens de faire de Platon, je me suis inspiré de lignes qui sont dans votre livre. On a l'impression que vous le connaissez très bien, Platon. C'est presque un ami à présenter. Je crois qu'on ne peut pas consacrer sa vie à la philosophie, comme je l'ai fait, sans connaître Platon, j'ai envie de dire intimement, puisque c'est le père fondateur. C'est celui qui reprend effectivement les questions de Socrate, mais qui aussi, j'ai envie de dire, pose toutes les règles du jeu philosophique. Ou du non-jeu, vous dites. Voilà, mais aussi parce que les parties que l'on peut jouer en philosophie, y compris contre Platon, on les joue encore avec lui. Et ce que j'ai voulu imaginer, à mes risques et périls évidemment, mais c'est une sorte de confrontation directe. Ce Platon que j'ai enseigné comme professeur, que tous mes collègues connaissent, que tous les lycéens même fréquentent ou rencontrent un jour, eh bien on le voit généralement comme le grand monument antique, le père fondateur, quelque chose qui ressemble, si vous voulez, à une figure sacrée, respectée. Mais c'est qu'il est un peu tout de même. Il l'est, évidemment. Il l'est en fonction de 2500 ans d'histoire et de lecture. Mais je crois que c'est une des choses que j'aime pour ma part. Il faut désacraliser, il faut refaire en quelque sorte un rafraîchissement de notre regard pour rencontrer quelque chose de l'impulsion philosophique. Et c'est ce que j'ai essayé de faire de façon un peu burlesque, évidemment, au départ, un peu iconoclaste aussi ou impertinente, c'est-à-dire j'imagine que Platon arrive en 2018 et qu'il y a des choses, du coup, que nous voyons autrement de notre époque à travers son regard et des choses que nous voyons différemment de lui parce que il serait présent ici même. Alors, si vous permettez, Roger Paul Droit, ouais. C'est à moi de faire une expérience de pensée. J'imagine que Platon entre dans le studio 109 là tout de suite. Est-ce que vous le reconnaissez? Et si oui, à quoi? Quelle allure physique a-t-il? Est-ce qu'on le sait? Alors on sait. Il était baraqué. On sait qu'il était baraqué puisque Platon, c'est un surnom. Son vrai nom, c'est Aristoclès, et Platone, en grec ancien, signifie le large. Alors il y a plusieurs interprétations, certains disaient le large front, les larges idées, le large style de son écriture. L'interprétation la plus vraisemblable, c'est les larges balèzes. Les épaules, les pectoraux. C'est un lutteur. Il a participé aux Jeux Olympiques. Voilà, c'est ce qu'on dit. Vous savez, on n'a jamais, dans tous ces récits biographiques, qui sont des fois un peu tardifs, de certitude absolue. Mais il est très vraisemblable qu'il ait participé, un, aux Jeux Olympiques, deux, aux Jeux Ismiques, et qu'il ait remporté des victoires, des médailles, comme Teddy Riner, dont j'imagine qu'ils sont relativement proches, au moins vous par les faites dialoguer. Voilà, je les fais, en tout cas, se rencontrer imaginairement, avec l'idée qu'il y a chez Platon un sens de la lutte physique, et ça, on l'oublie. Donc, c'est pas un Platon désincarné, éthéré, dans le ciel des idées. C'est d'abord un jeune homme physiquement exercé, lutteur, sachant se battre, mais aussi imaginant la manière dont on se bat dans les idées. Je crois qu'en inventant, c'est à lui qu'on doit en grande partie la figure du philosophe, il invente un mode de combat qui ressemble à ce qu'il fait dans le gymnase et à la lutte, mais c'est un mode de combat, évidemment, avec des déstabilisations, avec des prises, avec des manières de retourner le bras ou de faire tomber l'adversaire, mais évidemment à coup d'arguments, d'idées, de raisonnements. Mais est-ce qu'on comprend l'intensité du choc qu'il a ressenti en rencontrant Socrate ? Oui. Oui, parce que ce Socrate qui, finalement, est pauvre alors que Platon est riche, est moche alors que Platon est beau, est vieux alors que Platon est jeune. C'est l'antithèse. Et qui finalement n'a rien pour plaire ni pour l'attirer. Il est plutôt populaire, Socrate, alors que Platon, ce jeune homme, est un grand aristocrate d'une grande famille, avec toutes sortes de dirigeants et de notables proches de lui. Le choc qu'il découvre, c'est pas seulement la lutte des paroles et des idées, mais c'est le fait, comme Socrate le dira à son procès, qu'une vie qui n'est pas examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est-à-dire qu'il comprend, lui qui est riche, qu'il n'y a pas que l'argent qui compte, lui qui est destiné au pouvoir, qui a autre chose que le pouvoir, et que la question de Socrate qui le trouble et qui ne cessera après de transformer son existence, c'est « comment fais-tu pour devenir meilleur ?» Qu'est-ce que ça veut dire être meilleur ? Qu'est-ce que ça veut dire une vie bonne ? Qu'est-ce que ça veut dire et au nom de quoi et quelle prise, cette fois mentale, intellectuelle, pouvons-nous avoir sur nos propres idées, sur nos valeurs, sur le politique, pour être meilleur à tous les sens du terme ? Et pour être meilleur, il faut avoir une compétence, il faut détenir des savoirs. L'entraîneur, le pédotribe, disent les Grecs, tout simplement le coach, sportif, eh bien c'est quelqu'un qui sait mieux que d'autres ce qu'il va falloir dire au jeune athlète, le type d'exercice qu'il va falloir lui faire faire. Et cela... Mais vous aviez que Platon c'est un coach mental ? Si l'on veut, en tout cas c'est celui qui, grâce à Socrate, pose la question de savoir comment s'exercer à vivre. À quoi s'exerce-t-on si on s'exerce à vivre ? Et quel type, finalement, de compétences demande la morale, le politique, le fait de diriger sa propre vie et de diriger les autres ? Voilà. Et cela, évidemment, ce sont des questions qui ne cesseront plus de parcourir l'histoire de la philosophie jusqu'à aujourd'hui, puisque nous, après tout, quand nous nous demandons à quel titre un homme politique est-il compétent ? Nous posons encore la question de savoir qu'est-ce qui fait que quelqu'un est apte à diriger les autres, au nom de quoi ? Qu'est-ce que c'est gouverner ? Voilà, ce sont des questions qui sont déjà celles de Socrate et qui troublent Platon assez pour qu'il y consacre ensuite toute sa vie. Dans les premières pages de votre livre qui sont très belles, vous présentez Platon comme on présente un ami. Et je peux pas résister à l'envie de vous dire quel est l'anagramme de un ami à présenter. Quel est-il ? Un maître à penser. Ah, c'est très beau. Donc c'est la même chose pour vous. En tout cas, pour Platon, vous en parlez à la fois comme un ami et en même temps comme un maître à penser. Ou un maître qui pense. Un ami, un maître à penser, et pour une part un ami dont il faut se méfier. On en reviendra. C'est plutôt la deuxième partie, mais c'est ça là, que je trouvais très original dans votre livre, c'est qu'on voit qu'il y a deux Platons. Enfin, vous défendez l'idée qu'il y en a deux. Un qui pose des questions, puis le second qui répond d'une façon un peu sèche. Voilà. Je pense qu'il y a toute une dimension où il est fidèle à Socrate, où l'on entend finalement la manière dont Socrate ne cesse de nous déstabiliser, de nous faire réfléchir à ce que nous avons en tête. Après tout, et je pense que c'est toujours aujourd'hui, c'est toujours bon pour toute personne qui veut savoir ce que c'est que l'attitude philosophique, c'est finalement de dire, eh bien, ça consiste pas à avoir des idées, tout le monde en a, ça ne consiste pas à savoir les défendre, après tout le monde à peu près sait le faire, si je vous fais une objection, qui que vous soyez, vous savez vous défendre, vous essayez. Non, la philosophie, ça commence lorsque on se demande de quoi nos idées sont faites. Qu'est-ce que j'ai dans la tête et est-ce que ça tient si j'essaye de le tester, finalement, de le mettre à l'épreuve, de le secouer un peu. Et c'est ça que fait Socrate. Qu'est-ce que tu as dans la tête et est-ce que ça tient le coup? Qu'est-ce qu'il y a derrière les mots que tu dis? Voilà, derrière les mots, derrière les attitudes, derrière les valeurs. Un seul exemple tout simple, la caisse. En un seul mot, qui est un général, couturé, il a fait des campagnes, il y a plein de cicatrices, etc. Et Socrate lui demande ce qu'est le courage. Alors évidemment, il croit savoir. Et il dit le courage, c'est de pas avoir peur. Et c'est assez simple qu'il suffit de lui demander, mais est-ce que celui qui a peur, mais la surmonte, cette peur, n'est pas plus courageux que celui qui n'a pas peur. Et là, on voit un gros général plein de certitudes. Désarmé. Désarmé, voilà, exactement. On va revenir plutôt sur ces sortes de rencontres que vous proposez, qui sont à la fois profondes et drôles. Mais je voulais vous proposer une expérience de pensée inverse. C'est vous, Roger Paul Droit, qui montez dans une capsule temporelle et vous atterrissez à Athènes au 5e siècle avant notre ère. Est-ce que vous connaissez, vous comprenez ce qui se passe? Vous marchez dans les rues, vous causez grec. Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on mange? Il n'y a pas de livres imprimés à cette époque-là. Est-ce que ça montre que vous parvenez à imaginer? Je pense. C'est une question très difficile. Mais je pense. Mais comme celle de faire revenir Platon. Oui, mais je pense que j'arriverai, dans un premier temps, à me repérer à ce qui est écrit. Puisqu'il y a quand même des inscriptions sur certains murs. Il y a des panneaux. Enfin, il y a des enseignes. Il y a des pierres gravées. Il y a quand même aussi des textes. Et je crois que ce que je peux savoir lire de grec ancien depuis toute ma vie, puisque j'ai fréquenté cette langue continuellement, me permettrait à peu près de me repérer. Et puis, peut-être, ne serais-je pas trop déstabilisé par les idées, les discussions qu'il y a entre les personnages que Platon met en scène, et je crois de façon tout à fait fidèle. Là où j'aurais du mal, je crois, c'est probablement avec la langue parlée. Non seulement parce que plus personne ne parle grec ancien, mais parce que nous ne savons pas du tout comment il prononçait. Nous n'en avons pas la moindre idée, et il n'y a aucun moyen de le reconstituer, ni à partir du grec moderne, ni à partir du latin. C'est probablement quelque chose d'extraordinairement chantant, c'est ce que l'on suppose à travers la métrique, à travers la prosodie aussi, mais ça, on peut pas savoir, et je pense que je serais incapable, même si je lis le grec, de pouvoir l'entendre et le comprendre oralement à l'époque. Et puis, évidemment, peut-être pas trop décontenancé par les idées, je le serais certainement par les modes de vie, par la manière même de s'alimenter, par la façon de boire. Vous savez que les Grecs anciens, on voit ça dans le banquet, avaient un vin qui était une sorte de sirop et qu'il fallait délayer dans de l'eau. Et on décidait de savoir si on allait avoir un banquet dur, si j'ose dire, ou délié, avec la quantité d'eau qu'on mettait. On avait un vin plus ou moins alcoolisé en fonction du délayage, ou de la dilution plutôt, que l'on adoptait. Voilà. Alors, commençons le voyage dans le sens où vous l'avez imaginé, Platon revient. Votre livre est divisé en carnets et en pauses. Hein. On reviendra peut-être sur oui, la c'est description pas, c'est de cette structure. Oui, ce n'est pas un livre pesant, si vous voulez, ni formalisé, ni érudit. J'ai vraiment... Le premier carnet s'appelle « Promener Platon partout ». Oui. Vous avez conscience que c'est un tautogramme ? Non. Bah, c'est une phrase dont les premières lettres de tous les mots sont la même. Ah ! Promener Platon partout. PPP. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses que vous avez imaginées. La liste aurait pu être infinie. Platon, par exemple, qui assiste à la COP21 à propos du changement climatique. Oui, parce que... Quelle est sa réaction ? Ben, sa réaction, c'est d'abord celle d'une sorte de stupeur. Je ne crois pas qu'il ait, dans son univers mental, la possibilité d'envisager... que l'action humaine détraque le climat. Les cycles de la nature sont absolument stables, infinis et en même temps mobiles, mais immuables. Et l'idée que nos actes puissent modifier les équilibres terrestres et climatiques, ça c'est hors du champ pour lui. Mais je... pense qu'il se souvient de ce que dit un des personnages du banquet. Il y a deux amours. Il y a un éros de l'ordre, un éros qui finalement respecte les équilibres, et puis il y a un éros de la démesure, de l'hubris, du décalage, qui et il y a cette idée que lorsque domine dans la nature cet éros désorganisé, on a des cataclysmes, on a des tempêtes, on a des catastrophes. Et il me semble que si Platon comprend quelque chose, peut-être, à la COP21, où on pourrait lui faire comprendre, c'est à partir de là. C'est-à-dire que nos comportements désorganisés finissent par entrer dans un cycle de désorganisation. Donc vous pensez qu'il trompe, je vous lis là, j'imagine qu'il transposerait à la planète ce qu'il dit fréquemment à propos de la société. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les passions humaines et leur déchirement désorganisent effectivement les relations des hommes entre eux. C'est tout les problèmes du politique ou des conflits entre les humains. Mais s'il voyait cette extension, il comprendrait très bien comment nos désorganisations mentales ou, comment dirais-je, de comportement désorganise aussi la Terre. Vous aimez la musique, Roger Paul Droit ? Oui, follement. Vous avez choisi un premier morceau que nous allons écouter. Thank you. j'ai pas le droit. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un quatuor de Fanny Mendelssohn, jeune femme, allemande, juive, sœur de Félix, et compositrice géniale, pour laquelle j'ai une tendresse particulière, parce que elle est à la fois géniale et, même si il y en a maintenant quelques enregistrements, trop méconnus, on a voulu l'empêcher d'écrire sa musique, on a voulu la décourager d'être une compositrice, vous savez, être une... Qui ça on ? Bon, sa famille même, son entourage, alors que, et son frère qui avait pour elle une grande passion après sa mort, un des plus déchirants quatuors de Félix Mendelssohn lui est dédié et j'aime beaucoup ce qu'elle a écrit, soit pour piano seul, soit pour quatuor, et je pense que ça vaut la peine. On parle de musique, vous imaginez d'ailleurs une rencontre entre Platon et Bob Dylan. Ça oui. donnerait quoi ? Eh bien, ça donnerait, je crois, une forme de complicité. Paradoxale, parce que entre Bob Dylan et Like a Rolling Stone... Mais peut-être pas immédiate. Oui, pas immédiate, mais je crois que ce que Platon comprend très bien, c'est que le poète est un rebelle. Qu'il y a quelque chose, forcément, d'une certaine manière, d'asocial dans le génie poétique et dans la forme de fable et de contestation que construit aussi bien la poésie que la musique. Mais c'est bien pour cette raison aussi qu'il chasse les poètes de sa cité parfaite. C'est le désordre qu'il respecte. Il sait finalement que le créateur est comme ça transporté et lui-même a été poète. On dit qu'il a brûlé, après avoir rencontré Socrate, les tragédies qu'il aurait écrites. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est en tout cas un indice de quelque chose. Et chasser... Pour Platon, le poète de la cité, ça n'est pas le mépriser. Il dit qu'il faut le conduire avec des couronnes et des éloges. Mais c'est mettre hors de la cité idéale, qui est finalement juste mais terriblement en ordre, un élément perturbateur. Et je pense qu'il consonnerait, enfin il comprendrait quelque chose de Dylan, de sa rébellion, de sa musique, de sa puissance. Mais est-ce qu'il comprendrait le prix Nobel qu'on lui attribue ? Mais voilà, il comprendrait sûrement pas, je crois. Il pourrait comprendre il comprendrait pas qu'on honore la rébellion. Il comprend le prix Nobel. Parce qu'il a un sens, évidemment, des Jeux Olympiques, des récompenses, de l'honneur que l'on peut faire aux créateurs, aussi bien qu'aux sportifs. Mais le fait d'honorer institutionnellement la rébellion, ça c'est quelque chose de plus compliqué. Je crois que Dylan lui-même, il était estomaqué et il a mis du temps à écrire son discours, à accepter, voilà. Et il a probablement hésité, comme Sartre lui avait refusé. Je crois qu'il y a quelque chose de compliqué, peut-être de dissonant, à vouloir honorer officiellement, culturellement, ceux qui, au contraire, contestent et finalement se révoltent. Voilà. Ça m'a même à poser une question que vous traitez d'ailleurs dans le livre assez vite. Pourquoi Platon, pas un autre philosophe sur lequel vous avez travaillé, comme Aristote ou Spinoza ? Est-ce que... Alors on pourrait imaginer, et si Spinoza revenait, et si Hegel revenait, voilà. Si Nietzsche revenait, et je ne vais pas faire une collection de livres de ce genre, mais bien sûr, il peut y avoir toutes sortes de jeux analogues. Toutefois, il me semble que Platon, c'est celui à la fois qui est le socle, le père fondateur, mais qui est aussi un extraordinaire écrivain. C'est un dramaturge, c'est Shakespeare en mieux, presque par moment. C'est quelqu'un qui écrit, donc c'est dialogues. Vous dites qu'on peut imaginer énormément de situations où il aurait des choses à dire et des commentaires à proposer. Et je pense que lui-même est beaucoup plus incarné dans son œuvre. Incarne, je veux dire, les idées. Les met en scène, a un rapport à l'actualité de son temps, aux gens. Les personnages de Platon ce ne sont pas simplement des discoureurs qui font des analyses théoriques. Ce sont des gens dont on entend par moments la voix, dont on ressent presque la silhouette et la grande singularité de Platon, pour moi, et pas seulement pour moi bien sûr, c'est que on ne sait en fait jamais véritablement où il est. Il a choisi. Il ne dit jamais je. Il ne dit jamais je. Le considérer, si vous voulez, c'est le seul de toute l'histoire de la philosophie. Il est le socle fondateur, mais il est aussi le seul philosophe qui n'a jamais écrit un seul texte, ni une seule œuvre. Sur ce qu'il pense. Sur ce qu'il pense, où il assumerait de façon ouverte, dogmatique. Vous voulez dire qu'on n'est pas sûr que Platon fût platonicien ? Je pense qu'il, de même que Marx disait une chose est sûre, c'est Marx le disait lui-même, alors ouais, que là, Marx... Platon n'a pas dit « je ne suis pas platonicien ». Il dit dans la lettre 7, quelque chose un peu de ce genre-là. Il dit « tout ce qui m'est attribué, tout ce que vous pourrez lire, qu'on me m'attribue comme philosophie, méfiez-vous-en, c'est pas ça, etc. » Et il a organisé. Tout au long de sa vie, de 20 à 80 ans, à travers toute son œuvre, cette absence. Vous avez 7, 8 personnes qui discutent, ou 2, ou 5, et qui incarnent chacun des positions, qui finalement sont les porte-paroles d'une doctrine et de son opposé. Un peu comme Galilée fera lui-même pour son propre compte. Voilà. Et savoir quelle doctrine défend Platon, quel personnage est celui qui parle en son nom, on peut avoir évidemment des présomptions, on peut avoir... On peut reconstruire Platon. C'est le jeu depuis 2000 ans. Et depuis 2500 ans, on reconstruit Platon dans son école, on reconstruit Platon chez ses adversaires, on le reconstruit à la Renaissance, chez Marcel Ficin, on l'a reconstruit avant chez les Arabes. Il y a une tradition, à partir des textes, d'extraire une doctrine et de la fabriquer. Mais il y a toujours le doute de savoir si cette doctrine est bien celle de Platon ou non. Est-ce que, si vous voulez, là, il y a toujours deux écoles. L'une qui va vous dire, voilà ce qu'est le vrai Platon. J'ai reconstitué à partir des pièces du puzzle un château complet et bien avec ses portes, ses fenêtres, ses tourelles et ses ponts-levis. Et puis d'autres qui diront, mais non, tout cela reste ouvert. C'est juste un processus de déclenchement de questions. Et c'est au lecteur de poursuivre le trajet. Je crois qu'il y a toujours deux absents de tous les dialogues de Platon. Il y a tous ces personnages qui sont là, mais il y a deux absents. C'est Platon lui-même, qui est metteur en scène et qui est écrivain. Et puis c'est le lecteur. Et c'est entre ces deux pôles d'absence que se joue le processus de la pensée. Et quels que soient les aspects parfois... on va y venir, je pense, totalitaire de la pensée de Platon, l'échappatoire, c'est qu'il y a toujours des personnages qui disent le contraire. Or, je n'imagine pas, si vous voulez, un vrai totalitarisme où il y aurait la possibilité de mettre en scène l'opposant et éventuellement pour le lecteur de se rallier à cette adresse. Platon a bien produit une pensée politique. Et Platon a produit une pensée politique, absolument. Alors avant de l'aborder, je voudrais qu'on reprenne ces petites expériences de pensée que vous avez menées. Oui. Par exemple, en imaginant, et vous le faites très bien, une rencontre avec Thomas Pesquet. Alors, Platon qui voit qu'on peut aller dans l'espace, est-ce que déjà ça ne le met pas par terre, ça ? Bien sûr, ça le met par terre d'un point de vue physique, technique. Ça, c'est hors du champ des possibles pour un homme de son temps. En revanche... il me semble que lorsqu'il écoute ce que dit Thomas Pesquet de son propre voyage, on s'aperçoit que ce n'est pas seulement un voyage physique, c'est un voyage spirituel. Or, il y a dans le Timée, par exemple, et dans le Phèdre aussi, énormément de textes où Platon imagine des voyages de l'âme. Et c'est des, il dit même que l'âme finit par regarder ce qu'il y a hors du monde. Et je crois qu'il y a là quelque chose qui finalement le surprend par l'exploit technique, mais ne le surprend pas dans le fait que les vrais voyages cosmiques que font les êtres humains, ce sont des voyages psychiques et pas simplement des voyages physiques. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors pour donner une illustration de votre propos, je me permets de lire quelques lignes du Phèdre. Lorsqu'elles ont atteint la voûte du ciel, ces âmes qu'on dit immortelles passent à l'extérieur, s'établissent sur le dos du ciel, se laissent emporter par leur révolution circulaire et contemplent les réalités qui se trouvent hors du ciel. Absolument. Et l'idée, je crois, très, très importante, sans faire d'entrer dans des techniques de texte, mais c'est que chez Platon, contrairement à ce qu'on peut penser après le christianisme, c'est que l'âme est matérielle. Elle est faite d'ordre et de figure. Et il ne s'agit pas du tout de penser qu'il y a d'un côté un pur esprit et de l'autre une pure matière. Le monde est entièrement forgé par le démiurge sur des figures et des nombres. Et l'âme est, même si elle n'est pas corporelle, elle est d'une matière géométrique. Voilà. Et enfin, dernière expérience, avant qu'on parle du projet politique, Platon nous voit manipuler, regarder nos écrans de téléphone plusieurs heures par jour. Qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit c'est la caverne. Il se dit rien n'a bougé, rien n'a changé de ce point de vue, et c'est plutôt pire. Parce que une caverne portable. C'est ça, c'est la caverne portable, c'est nous... avec beaucoup plus finalement d'addiction sous couvert de liberté pour nous que pour les prisonniers de la caverne, puisque cette allégorie qui est axiale, qui est centrale chez Platon, mais aussi dans toute l'histoire de la philosophie à sa suite, c'est finalement des... J'ai envie de dire, si on transpose pour nous, et je ne crois pas trahir le dispositif de Platon, ce sont des gens qui seraient au cinéma, sans savoir qu'ils regardent un film. Bon. Et du coup, ils imaginent que ce qu'ils voient, c'est la réalité, alors que ce ne sont que des images. Ils ne savent pas qu'il y a une cabine de projection, ils ne savent pas qu'il y a un écran. Mais, et c'est ça tout le dispositif de Platon, on va pouvoir les détacher, même si c'est un peu douloureux pour eux, les faire sortir et leur faire contempler le vrai monde. Et là, de ce vrai monde, l'ayant contemplé, ils vont ensuite redescendre. C'est tout l'idée, il faut refaire la société à partir des idées que le philosophe a contemplées, à partir du savoir. Ils vont redescendre et ils vont transformer l'intérieur de la caverne et de la salle de cinéma. Nous n'avons plus véritablement l'idée qu'il y a un dehors. Parce que tout ce que nous faisons passe par les écrans et se vit dans les écrans. Si je commence à dénoncer notre addiction au smartphone, je peux tout à fait, pour le faire, prendre une photo d'adolescents que je vois sous ma fenêtre, qui sont tous en train de regarder leurs écrans plutôt que de se parler les uns aux autres. Et puis cette photo, je vais la poster sur les réseaux et d'autres vont elle la commenter. Elle sera regardée, etc. Autrement dit, on est en boucle, on est en circuit fermé. Et à la différence des prisonniers de la caverne de Platon, nous parlons à travers les écrans. Alors que eux, ils se parlent en direct de ce qu'ils voient. Et nous pouvons aussi, et ça c'est quelque chose qui, je crois, tétaniserait Platon s'il le voit, nous pouvons faire venir de l'écran nos pizzas ou nos repas ou nos vêtements. C'est-à-dire que la commande en ligne, c'est la transformation finalement de l'écran de la caverne en caverne-monde. Et nous sommes quasiment inclus désormais dans cet univers. Alors, évidemment, on pourrait se dire aussi, est-ce que tout ça est vrai ? Est-ce que c'est pas une histoire de caverne que nous nous racontons en fonction de Platon. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire, après tout, mais non, tout ça, c'est pas vrai. On n'est pas prisonnier de l'écran. On est un peu attaché, mais il y a un vrai monde. Et dans ce vrai monde, il y a aussi des écrans. Mais c'est plutôt nous qui sommes prisonniers de la légende de Platon, dont il faut avoir conscience en imaginant que nous sommes à l'intérieur de la caverne. Venons-en, si vous voulez bien, Roger Paul-Droit, à l'aspect politique de l'œuvre de Platon, la mort de Socrate, qui a été un moment décisif. Comment une démocratie peut-elle mettre à mort le plus juste de ses membres? Quel effet ça a produit sur Platon? Comment est-ce qu'il l'a vécu, on le sait? C'est le drame absolu. C'est le drame absolu, puisque, alors, il est malade, dit-on, au moment où Socrate est en prison. Il ne peut pas être là. Il est là au procès. Mais, puisque dans le texte que prononce Socrate pour sa défense, il nomme Platon, c'est un des rares endroits où Platon se nomme lui-même, si vous voulez, dans la bouche de Socrate. Mais c'est le scandale absolu, parce que la démocratie, légalement, met à mort l'homme qui incarne la vérité, la justice, l'interrogation sur le bien, et qui est finalement l'homme à la recherche du savoir vrai. Si celui-là est tué, alors c'en est fini finalement, et est tué légalement par le peuple, c'en est fini de toute forme de justice possible. Et Platon, on l'oublie trop souvent, a la démocratie en haine. Il a la démocratie dans son collimateur. C'est pour lui le pire des régimes, parce que c'est celui qui met le juste à mort. C'est le régime où, à ses yeux, le peuple, avec son ignorance, ses passions, ses caprices, règne en maître sous couvert de faire respecter les lois. Et là, il y a quelque chose qui, je crois, est tout à fait important à souligner et à dire. C'est que on n'arrête pas dans les lycées, dans les classes terminales, partout, et puis les lycéens qui vont passer le bac ont forcément entendu parler et de Platon, et de la République, et de la cité juste. Et tout le monde a envie que la cité soit juste. Tout le monde a envie que les finalement règne non pas la cupidité, l'appétit, les passions personnelles et les ambitions des uns et des autres, mais un ordre conforme finalement à la morale et au bien. Mais on oublie de dire que cet ordre que Platon construit, il le construit contre la démocratie. Il le construit finalement pour avoir au poste de commande une forme de connaissance absolue, une élite. Mais est-ce qu'on peut dire que le procès de Socrate, c'est le premier procès stalinien? Non, non, je ne crois pas. Pas stalinien du tout, parce que c'est un procès injuste, certainement, mais un procès stalinien, c'est un procès qui est construit pour éliminer un adversaire qui est celui qui combat la doctrine au pouvoir. Il n'y a pas de doctrine au pouvoir à Athènes. Il y a la liberté du peuple, et Socrate est victime, non pas d'un procès stalinien, mais finalement d'une rumeur qui s'est installée 20 ans avant, où on dit finalement que il truque les idées, qu'il dit du mal des dieux, etc. Et donc, c'est plutôt, ça ressemblerait plutôt aux fake news, si vous voulez. Ça ressemblerait plutôt aux rumeurs que nous avons aujourd'hui sur les réseaux, où, sans qu'on ait la preuve de quoi que ce soit, sans que quelqu'un ait dit ou fait réellement quelque chose, il est l'objet de toutes sortes de bruits. Et Socrate le dit, d'ailleurs. Il dit, c'est tous ces bruits qui se sont répandus, ce sont des ombres, je combats des ombres. Vous pouvez me tuer, dit-il, vous ne saurez me nuire, vous allez vivre et je vais mourir. Qui de nous a le meilleur partage? Nul ne le sait. Oui, est-ce que vous avez remarqué que mort de Socrate a pour anagramme sort démocrate? Sort démocrate. Oui. La mort de Socrate est un sort démocrate. C'est le drame, effectivement, de la démocratie, mais c'est aussi la provocation que Socrate a jouée. De façon, je crois, superbe, mais il explique. Moi, je n'ai rien fait de mal. Tout ça, ce sont des calomnies. Et si vous cédez à ces rumeurs, dit-il aux citoyens assemblés pour le juger, alors c'est vous qui avez tort et c'est vous qui perdez la partie. Or, on ne dit pas à des gens qui sont en train de vous juger que s'ils vous donnent tort, ça retombera sur eux. Il y a toutes ces sortes de provocations de Socrate qui se sont retournées contre lui, mais qui ont été pour Platon, je crois, le déclic qui l'a conduit à imaginer un autre ordre politique. On va y venir, mais avant de parler de cette face un peu noire de Platon, nous allons écouter le second morceau de musique que vous avez choisi. J'ai pas le droit, on dirait du jazz. C'est bien du jazz, oui. C'est un pianiste israélien venu du classique et qui aujourd'hui est un grand, grand pianiste de jazz. C'est Omer Klein, O-M-E-R, et puis Klein comme Étienne Klein, et qui, que j'aime beaucoup, et qui vient d'ailleurs de temps en autre à Paris, mais qui donne maintenant des concerts dans le monde entier. Venons-en, si vous voulez bien, donc à ce Platon politique qui réagit à la mort de Socrate en vouant une sorte de haine vis-à-vis de la démocratie, avec l'idée qu'on doit inventer un système politique dans lequel ce genre de choses ne soit plus possible. Alors, qui a-t-il inspiré? Qu'est-ce qu'il y a dans cette République? Vous dites une chose d'ailleurs assez étonnante, c'est que il promeut avec beaucoup de force ce qu'on appellerait aujourd'hui une parité entre les hommes et les femmes, avec des fonctions pour les gardiennes de la cité analogues et même identiques à celles qui sont réservées à cette époque-là aux gardiens de la cité, aux hommes. Et puis pourtant, dans les dialogues, il n'y a pas beaucoup de femmes qui s'expriment. Et les deux, je crois, qui font exception, sont en fait ventriloqués par Socrate qui répète leurs propos. Les deux femmes qui s'expriment dans les dialogues de Platon, c'est Aspasie, enfin, dont Socrate reprend des propos, et puis c'est Diotime, alors qui, elle... qui définit l'amour. Définit l'amour dans le banquet, et s'exprime elle-même en son propre nom, et dont Socrate se dit ou se déclare l'élève ou le disciple. Et en même temps, il y a effectivement très peu de femmes qui interviennent dans les dialogues. Je crois que ça tient au fait qu'il s'agit d'une culture masculine, d'une culture d'hommes et même d'une culture homosexuelle masculine, avec des jeux de séduction, de rivalité, de plaisanterie aussi, de captation, de toutes sortes. Mais la singularité de Platon en ce qui concerne l'égalité des sexes, c'est justement d'avoir été le premier, dans un temps où ce n'est pas usuel, à dire que les femmes doivent avoir toutes les mêmes fonctions que les hommes, la même éducation, les mêmes possibilités, les mêmes occupations. Elles font la guerre pour chez lui, elles sont à l'armée, elles sont dans les fonctions publiques, elles peuvent être philosophes. Il y a quelques femmes qui ont été dans son école. Alors, la difficulté, c'est qu'évidemment, elle se bandait les seins pour qu'on croie que c'était des garçons et qu'on voit pas que c'était des filles. Enfin, bon, c'est un peu, et pas toujours si simple dans le réel que ça a l'air dans les textes. Mais. La théorie et la pratique, c'est la même chose, sauf qu'en pratique, c'est pas vrai. Voilà, on peut dire ça. Mais, en tout cas, il y a cet aspect-là. Mais cet aspect-là, il est lié, je crois, au fait qu'il s'agit pour Platon de construire cette cité idéale, cette cité juste, où le philosophe, le juste, l'homme de pensée ne serait plus mis à mort comme Socrate l'a été, et où régnerait finalement au poste de commande du politique la vérité du bien, la vérité de la justice. Autrement dit, le bien et le vrai se confondent. Ah, tout à fait. Il n'y a pas de différence. Le vrai, le bien, le juste, le beau et l'ordre du monde, c'est la même chose. Pour le comprendre, un seul exemple. Il y a ce dialogue intitulé Gorgias, où Socrate s'oppose à un personnage probablement imaginaire, mais d'une très grande violence, qui s'appelle Calliclès. Et Calliclès fait l'éloge, finalement, du pouvoir personnel, du plaisir solitaire, de la tyrannie, dit voilà, mes désirs, si je peux les réaliser en prenant le pouvoir dans la cité, et que j'arrive à éliminer mes adversaires, et que je contrôle les tribunaux, bah, tout ça, c'est le mieux possible. C'est bien. Et Socrate lui répond simplement, si tu dis ça, c'est-à-dire si tu fais l'éloge de l'injustice, si tu dis ça, c'est que tu ignores la géométrie. Oui, qu'est-ce que vient faire la géométrie là-dedans? Eh bien, c'est simplement que l'ordre mathématique du monde, qui est celui, pour Platon, de l'architecture physique, de la réalité, c'est aussi l'ordre du vrai, du juste et du bien. Et donc, il n'y en a pas deux. Il ne s'agit pas de disputer de conception du bien ou de diversité des approches de la justice. Il s'agit de faire en sorte d'accéder à la contemplation des idées. On sort de la caverne, on regarde le vrai, le bien et le beau, et on redescend et on met tout ça en ordre à l'intérieur. Ce qui aboutit, et quand on lit La République, on s'en aperçoit de page en page, ce qui aboutit à une cité idéale, et quand on vous dit on va faire une cité juste, tout le monde est d'accord, on dit ah ça va être bien, mais c'est en fait une cité où l'individu n'a rigoureusement aucune latitude, aucune forme de liberté, et où Platon met au poste de commande une vérité absolue, une science du vrai, du bien, du juste, détenue par les philosophes, qui va justifier de bout en bout la mise en place d'une éducation entièrement contrôlée, d'une culture entièrement façonnée, d'une sexualité entièrement surveillée. Et donc, c'est un univers finalement, que nous avons tendance à appeler totalitaire. Il y a un peu de, probablement d'anachronisme dans cette façon de dire. Je crois en tout cas, il y a de la terreur. Il y a l'idée que pour que ça fonctionne bien, il faut que chaque individu bien façonné soit à sa place et dans son rôle. Alors, les philosophes, gouvernant au nom du vrai et du bien et du juste, et non pas en fonction de leur ambition personnelle, non pas en fonction de leur réussite individuelle. Au nom de la vérité. Au nom de la vérité. Et je crois qu'il y a là le point de départ, la matrice de quelque chose de terrifiant, qui s'est poursuivi finalement tout au long de l'histoire. Si vous... Mais est-ce que ce n'est pas toujours au nom du bien qu'on fait le mal ? On déguise, évidemment. Mais là, c'est, je crois que c'est plus profond. C'est l'idée qu'au poste de commande du politique, il y ait une science indiscutable. Et là, c'est l'inverse de la démocratie. La démocratie, c'est toujours quoi ? Du bricolage, c'est du compromis. Il n'y a pas, personne ne détient, on peut avoir des vérités intimes, mais personne ne détient une vérité absolue du politique, et on va, vaille que vaille, fabriquer des alliances, des compromis, des consensus partiels, des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qui hérisse Platon absolument, et finalement, à sa suite, je crois, la plupart des utopistes, mais aussi, lorsque Lénine dit « la théorie de Marx est toute puissante parce qu'elle est vraie », c'est un énoncé identique à Platon. Dans le deuxième carnet de votre livre, qui s'appelle « Refaire société », qui traite de ces questions, vous avez un chapitre intitulé « Heil Platon ». Oui, alors par provocation, bien sûr, mais c'est, pas une, seulement. C'est une provocation liée à l'histoire. « Heil Platon », pourquoi ? Parce que ce que j'ai découvert... en travaillant à ce livre, dont j'avais quelques idées, mais pas à ce point, et en lisant, par exemple, des historiens comme Chapoutot, et puis des archives du Troisième Reich, j'ai vu combien Platon est l'auteur le plus lu, le plus vénéré, le plus cité, le plus référencé de toute l'Allemagne hitlérienne. On croit que c'est Nietzsche, ou on imagine qu'il parle beaucoup de Nietzsche, à côté de Platon, c'est rien du tout. C'est-à-dire que vous avez des hitlériens raciologues eugénistes qui disent « Eh bien, ce que Platon a imaginé, c'est nous qui le faisons. » Alors, bien sûr, ils voient ça à travers leur filtre. Platon est eugéniste. Platon veut améliorer la race humaine. Platon veut organiser les unions des meilleurs des gardiens avec les meilleurs des gardiennes pour obtenir les meilleurs prototypes humains. Mais il s'agit d'améliorer l'humanité en général. Il ne s'agit pas de défendre la race aryenne en détruisant ce qui est supposé être la race parasite juive. Mais à part ces torsions qui sont évidemment tout à fait anachroniques, il y a bien chez Platon lui-même, l'idée qu'il est nécessaire d'avoir un ordre social imposé de haut en bas et même une sorte de principe d'obéissance absolue qui fait que la volonté de l'individu doit être façonnée par l'éducation, par tout ce qu'il a appris, par l'exercice, par le système, et il y a un rapport de discipline et d'ordre social qui s'impose à tous les comportements individuels, qui est quelque chose à la fois de justifié pour Platon par le vrai, le bien et le juste, mais qui pour nous me semble être absolument aux antipodes de ce que nous voulons, aux antipodes de ce que nous désirons. Mais est-ce que dans cette idée d'une cité idéale, il n'y a pas un projet dont le terme est la fin de l'histoire ? Absolument, c'est la fin de l'histoire, parce que... Mais qui est toujours revendiqué aussi par ceux qui proposent, comme l'ont fait les nazis ou d'autres, une société quasi parfaite. Mais je crois que le prolongement de ce que je considérais comme la face noire, si vous voulez, de Platon, se trouve là. Il est trop simple de dire Platon est le père des totalitarismes. je crois qu'il a inventé cette matrice, et puis beaucoup d'autres choses se sont greffées dessus, mais il y a bien l'idée que si la vérité bonne, juste, unique est au poste de commande du politique, et que la société est entièrement faite dans ses moindres détails sur ce modèle, alors il n'y a plus de conflit, alors il n'y a plus d'hésitation, tout tourne rond, et ce que Platon rêve, et pour moi c'est un cauchemar, mais c'est de sortir définitivement des aléas de l'histoire, de toutes ces perturbations, de tous ces conflits, de toutes ces hésitations, de toutes ces incertitudes qui font, à mes yeux, la gloire de la démocratie, mais qui sont ce que tous les régimes qui mettent une vérité absolue au poste de commande du politique veulent détruire, que ça soit les nazis, que ce soit le rêve bolchevique. C'est finalement l'idée qu'une fois qu'on a tout remis en ordre, qu'à partir du vrai et du modèle aperçu et de la science détenue, on a tout reconstruit, alors normalement, sauf s'il y a les méchants, les ennemis, les traîtres, et il y en a toujours, mais à ce moment-là, tout devrait tourner rond. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Mais est-ce qu'on n'a pas rompu avec cette idée d'une identification entre, par exemple, le vrai et le beau? Si je prends la physique, puisqu'on est dans une émission, on doit parler un peu de science. On sait très bien que ça n'est pas parce qu'une théorie est mathématiquement belle qu'elle est physiquement juste. Il y a de très belles théories qui sont mortes, mises à l'épreuve par de petits et minables faits. C'est vrai, mais nous sommes probablement dans un versant où ce qui était unifié chez Platon, c'est disloqué ou dispersé. Et pour une part, c'est heureux. Mais je crois aussi que l'idée que ce qui est vrai peut tenir la place de la politique, c'est encore une idée qui est défendue quand même par beaucoup de gens. Je crois au contraire que la démocratie, c'est, je disais, tous ces tâtonnements, toutes ces incertitudes, tous ces compromis, et que nous vivons plutôt, heureusement, que nous devons défendre un temps où, à la fois ce qui est beau, ce qui est juste, ce qui est vrai et ce qui est politique sont des choses différentes. Merci Roger Paul-Droit d'être venu nous expliquer votre rapport à Platon. On comprend d'ailleurs que c'est une philosophie qui vous parle. Et je citerai les dernières lignes de votre ouvrage. Vous dites, cette philosophie me parle, elle se meut entre des terres fermes, longe des massifs immobiles et obscurs, fait route sans trop savoir où, aux heures où la mer est plus lumineuse que le ciel. Et vous expliquez par ailleurs que la philosophie a à voir avec la natation, mais ça sera l'objet d'une autre émission. Merci à vous. Merci. C'était à vous. La conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Valérie Lavalard et à la réalisation François Connac. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Renaud-Dibiot pour le temps des écrivains.